gâche khay tellement jaloux me tassa je suis comme ça on vivra mal mais comme elle m'a chertini mon caractère a roussai مري بعد ومرة قريكي على ولو يربح العيني لم يكون مهما شبتيني Je suis pas sentimental Elle m'a tombé Je me tiens le coup des pas L'hnana m'a dit Ou je suis pas sentimental L'écoute le cache qui khay T'es le mot jaloux ou me tassa Je suis comme ça en rabbi ghawel L'ami comme elle m'a chertini Mon caractère a houssai Mon rey bad ou mon raqri على ولو يربح العيني لم يكون ما شفتيني Je suis comme ça en Rabbi Ghawel L'ami comme elle m'a chertini Mon caractère a houssai Mon rey bado mon raqri Allez où elle ou yirbah l'aïni L'ami comme elle m'a chertini عشقي خير